Je vais sortir d'une ville. Que ce soit le lever du jour ou la tombée de la nuit, en tout cas, on est entre deux eaux. Dans ces conditions, il ne faut pas hésiter à être bien vu des autres. Les feux de route sont inutiles ici. Ils ne serviraient à rien d'autre qu'à éblouir. Les feux de croisement sont tout à fait appropriés. Voir et être vu, telle est l'une des devises des bons conducteurs. Réponse B et C.